Vas-y, Sama, fais péter l'instru, histoire bah ouais. On se kick ça tous les deux. Normal. Westside. 49, 49. C'est Raiden, c'est Sama. Westside. Zoubouza, c'est chaud. Ouais. J'arpente les rues de ma vie avec 2 grammes dans le sang, je me prends en coupe de vie. Je vais pas me craquer comme la France en coupe de vie. Quoi que là, je file à l'épicerie. Tout ce qui pour ce soir, les petits pour l'après-midi. Je ferai mes tiges d'une manche, qui t'es invité. Homie, comment ça dépasse, on passe les prendre. Comment dans les deux sens du terme, si des tasses qui campent. Dans le jardin, dans la cuisine ou dans la chambre. On en a plus rien à foutre du moment qu'il y a nous le chemin. C'est Waïda, c'est Sama. C'est sévère, c'est dangereux. C'est la white ici bas. Bientôt dans ta banlieue. C'est Waïda, c'est Sama. C'est sévère, c'est dangereux. C'est la white ici bas. Bientôt dans ta banlieue. C'est Waïda, c'est Sama. C'est sévère, c'est dangereux. C'est la white ici bas. Bientôt dans ta banlieue. Session. Wesh, taille de toute façon, trop la dalle de nos riders. J'suis un vandal gros rider, dans ma tête c'est la Californie. Des barrettes et si tu veux je t'en fournis. Chez moi pas de me cache, reste là avec Sama. Rider et teaser, souvent même fumer, soulevant même des tasses. Mais c'est nos seules occupations, on l'exerce avec passion. Tu m'imagines à Hollywood, avec mon ziggy, c'est de la jolie weed. Arriver même sur Long Beach, à mes côtés des grosses billes. Tout chopé à un hôtel, 6 étoiles se font 4 au champagne. Et oui, j'me vois bien dans la vie, devant plein de meufs en bikini. Leur montrer mon ziggy et ensuite les Kenny. Voilà comment j'définis la ride d'aujourd'hui. Tout en m'enfuyer des bitches que j'puis là. Prendre dans mes bras, l'emmener avec moi. Ah ouais.